J'ai parlé hier soir de la façon dont Moscou semble se hâter de constituer partout des gouvernements communistes, comme si elle voulait tenter par la force de réaliser en dehors de toute tentative de second front la bolchevisation européenne. Il ne se passe pas de jour qui ne nous apporte un nouveau thème à réflexion dans ce domaine. C'est ainsi qu'hier encore, le journal communiste d'Alger, Liberté, déclarait que les députés communistes du Conseil consultatif, qui avaient demandé d'être représentés au sein du comité de Gaulle, exigent maintenant la constitution d'un gouvernement français provisoire et revendiquent le portefeuille de la production industrielle qu'ils réclament depuis longtemps, mais accompagné de pouvoirs dictatoriaux. Ils demandent bien entendu une épuration accélérée du corps diplomatique et une propagande officielle à tendance communiste. Tout ceci entraîne à grands pas l'Afrique du Nord dans un tourbillon dans lequel elle risque fort de sombrer. Moscou semble déterminée à ne plus attendre. Le fruit lui semble mûr. On avait pu croire que l'URSS attendrait la victoire pour essayer de s'emparer du pouvoir chez nous. Mais il est vraisemblable que le Kremlin, admirablement renseigné par ses agents, sent que la température baisse. Le débarquement se fait trop attendre. La résistance manque d'armes, dans le maquis la révolte gronde, toute la jeunesse française qui avait obéi à une sorte de donquichottisme généreux en gagnant les bois et les montagnes s'aperçoit qu'on l'a odieusement dupé. Les chefs eux-mêmes, constatant qu'il va falloir cette fois compter avec une répression impitoyable, lancent des appels d'alarme qui ne semblent pas toujours entendus. La victoire alliée recule de jour en jour, Staline jette en vain des millions d'hommes dans la fournaise. S'il regagne lambeau par lambeau la terre brûlée que les Allemands ne lui cèdent que pied à pied, le succès décisif qu'il poursuit depuis 8 mois le fuit constamment. Les Anglais et les Américains hésitent devant le mur de l'Atlantique. Si l'on ne profite pas tout de suite de ce qu'a fait en France la propagande chauffée à blanc de la résistance et du sabotage, on va voir s'effriter les troupes et se décourager les cadres. C'est pourquoi on brûle les étapes. Puisqu'on ne compte plus sur la victoire, il faut tenter de jeter la France dans l'aventure irréparable, pendant qu'on peut exploiter les passions et la haine que d'abominables prédications y sèment depuis des mois. La propagande de Londres et d'Alger s'époumonne en vain. Elle ne peut plus répondre aux interrogations qui se pressent dans les cœurs troublés et les consciences désorientées. Elle ne sait plus que hoqueter des injures et faire régner la terreur. Dans quelques semaines, tout peut être perdu pour Moscou. Il s'agit d'aller vite. On voulait synchroniser la rébellion avec le débarquement. On demande aujourd'hui d'organiser le soulèvement pour préparer un débarquement qui ne se produira peut-être pas assez tôt. Alors, partout où les soviets ont pris pied, ils bousculent leurs alliés. Un vieux cri de guerre retentit qui sonne à nos oreilles comme un air connu. À nous toutes les places, et tout de suite. Le reconnaissez-vous, amis et adversaires d'aujourd'hui qui m'écoutez? Vous souvenez-vous de l'écho à la fois triomphant et lugubre qu'il prolongeait dans nos cœurs au temps où étaient au pouvoir exactement les mêmes hommes qui commandent aujourd'hui à Alger? Comment, en réveillant ces souvenirs, ne vous sentiriez-vous pas désorienté? Sérieusement, vous pensez que le salut de la France sera hâté lorsque M. Midol sera ministre de la production industrielle et M. Marty, chef des milices rouges, chargé du maintien de l'ordre? Vous pensez qu'en prêtant une oreille complaisante aux consignes de ces hommes, vous pouvez vraiment travailler pour la France? Croyez-vous qu'ils aient changé? Vous imaginez-vous que ces gens que vous avez maudits autrefois sont tout à coup devenus les parangons du patriotisme? Faut-il devant vos yeux faire repasser leurs noms? Est-ce Scott? Est-ce Moche? Est-ce Mendès France? Est-ce Vincent Auriol? Est-ce Pierre Bloch? Est-ce Marty? Bond? Grenier? Pourtalais? Midol? Croizat? Avez-vous à ce point perdu le sens? Dans les appels que vous a lancés le maréchal, que vous a lancé le président Laval, que je vous lance moi-même, est-il vrai que vous ne voyez que les paroles intéressées de chefs prisonniers ou vendus? Pensez-vous que la trahison est ainsi brusquement changée de camp? Et suffit-il qu'on vous joue la Marseillaise ou Sambre et Meuse à un poste clandestin pour que vous ayez le sentiment d'avoir retrouvé la France? Vous ne croyez pas, je le sais, au péril. Y croyez-vous plus maintenant que les hommes en qui les moins déraisonnables d'entre vous avaient mis leur confiance sont écartés brutalement par leurs collaborateurs devenus leurs maîtres? N'êtes-vous pas éclairé quand vous regardez la Pologne, coupable d'avoir cru aux promesses dont on vous leurre aujourd'hui? Quand vous regardez l'Argentine, coupable d'avoir voulu maintenir son indépendance devant des peuples qui se prétendent les champions des indépendances nationales? Quand vous regardez l'Espagne, coupable seulement de ne pas vouloir revoir ce qu'elle a vu pendant 3 ans de guerre civile inexpiable, ne comprenez-vous pas que jamais votre sort n'a intéressé vos libérateurs, surtout depuis que vous n'avez plus rien et que ce n'est pas pour vous qu'ils se battent, mais que c'est vous qu'ils désirent envoyer se battre. Si vous lisez les détails des combats en Italie, ne voyez-vous pas que ce sont des Français qu'on envoie au combat, que lorsque la situation est compromise, c'est eux qu'on appelle. Bon pour vous battre pour les autres, bon pour préparer le triomphe des autres, bon pour fournir des soldats, pour fournir des victimes. Voilà ce que pensent de vous des gens qui ne pensent qu'à se servir de vous. On a utilisé Giraud, on a utilisé Bergeret, on en a utilisé 20 autres, ils servaient auparavant. Derrière eux, le bolchevisme camouflé préparait ses coups de main et ses coups d'État. Ce qui vous a aveuglé jusqu'ici, c'est l'animosité normale de l'occupé contre l'occupant. Personne ne saurait ni s'en étonner ni s'en indigner, mais ce sentiment, le bolchevisme l'a exploité non pour servir votre patriotisme, mais pour se servir de votre naïveté. En quoi votre crédulité envers les chambardeurs déguisés en nationalistes vous a-t-elle servi? Vous avez gâché l'une après l'autre toutes les chances que vous avez laissé le vainqueur. Vous êtes aujourd'hui plongé dans une guerre civile larvée que vous aviez secrètement appelé de vos voeux et à laquelle vous suppliez qu'on mette fin. Vous avez nourri les maux qui vous dévastent aujourd'hui. Vous avez appelé ce débarquement dont la perspective vous remplit tous d'un secret effroi. Où sont donc les braves et les bravages qui s'impatientaient hier parce qu'ils tardaient trop? Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Ils sont dans votre entourage. Vous les rencontrez partout, à l'atelier ou au champ, dans la rue ou dans le métro, dans les trains ou au restaurant. Allons, avouez avec moi que les seuls qui crânent encore sont ceux qui vivent assez loin des côtes pour se croire provisoirement en sécurité. Alors le moment est peut-être venu d'imposer silence à des gens qui n'ont jamais su qu'applaudir au désastre français. Perte de nos colonies, ruine de nos villes bombardées, assassinat de nos compatriotes, reconnaissez-les à ce signe. Exorcisez-vous de leurs maléfices auxquels vous vous êtes trop longtemps laissé prendre. Et au moment où le bolchevisme va tenter un suprême effort pour lequel il ne se sent déjà plus assuré, ne cherchez plus, mes compatriotes, que dans une unité farouchement maintenue, le rachat de vos erreurs et la route de votre salut. Vous venez d'entendre l'éditorial de Philippe Henriot.